commandé, j'ai vissé à l'entrée. Le gun est chargé, bang, il me vilipende. Et là, je me vendis debout devant les hommes, regard écœuré. 500 chevaux dans le gamos, je suis pas le premier. J'en ai XR, même encore à bout, ne pas se connaître. Sexuels sont nos rapports, tu me fais que des courbettes. Je suis criblé de dettes, le jeu de me non-dit. Je rêvais vers le ciel, bras l'en fait moins des. Je regrette l'époque de débrouillard. Jeune négro rêvant de moula. Galère de sud, plein de Cuba. J't'aimerais avec ou sans le foulard. Des fils de pute, j'en ai vu beaucoup. Sans Booba, t'es rien du tout. J'dis pas le contraire, mais c'est Dieu qui donne et puis c'est tout. Ta carrière m'attriste, ce calage factice. Sombre haineux, j'vais débouer comme Fabrice. Maman, j'fais plus d'études, j'suis dans le Texan. J'suis dealer, j'suis dealer. J'ai un iPhone, pas les stupeurs, j'suis dans ma Bresson. J'suis dealer, j'suis dealer. De bonne famille, là d'où je viens. La vie me laisse sur la fin. Je prends des risques et des chiffres, j'ai de moi. Personne me tient la main, j'ai plus de cash, plus rien. J'ai si peur, j'ai si peur. Je fais des sommes, tu fais des tiennes. Troisième album, toujours le même. Soleil ne soucie pas de bleu. Je n'écoute pas les ondes, y'a pas d'hasard que des sédènes. Négro, je sais que t'es condamné, mais pas coupable. J'suis devenu riche et j'vais racheter ton âme au diable. Comme ma cuisard sans ligne de défense, j'me bagarre. Clame mon désordre, on la défonce tard le soir. Selon ses dires, j'suis comme un lâche, car j'en viendrai pas. Y'a une différence entre tourner la page et baisser les bras. Un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras. Viens, on baise après, on verra qui le saura. J'regrette l'époque des débrouillards. Jeune négro rêvant de moula. Galère de sud, plein de Cuba. J'aimerais avec ou sans le foulard. Maman, je fais plus d'études, j'suis dans le Texan. J'suis dealer, j'suis dealer. J'ai un iPhone, pas les stupeurs, j'suis dans